Véro a reçu une belle nouvelle la semaine passée, c'est qu'il a été sélectionné pour participer au championnat au championnat du monde junior de vélo de montagne qui va se dérouler en Europe. Et question de savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a été surpris? On parle à son entraîneur Alexandre Gaillier. Salut Alexandre. Bonjour, bon Alexandre, est-ce que vraiment on s'attendait vraiment à cette sélection ou c'est une belle surprise? Ben, c'est toujours une belle surprise. Est-ce qu'on s'en attendait? Ben, pour être bien franc, c'est la première année chez les juniors pour Victor. Donc, on a des objectifs, mettons, principaux, puis on a des objectifs secondaires. On met des objectifs secondaires qui ne sont pas nécessairement de moins grande importance, mais qu'on aimerait atteindre également, mais qui ne sont pas une priorité dans la saison. Puis les championnats du monde étaient là. Okay. Mais je ne vous cacherai pas que moi, mon objectif, c'est optimiser la performance de Victor, puis lui, son objectif, c'est de performer. Donc, on l'avait toujours en tête, puis on en parlait de plus en plus, mais on voulait pas mettre de la pression supplémentaire là-dessus. C'était pas une année qui était ciblée sur les championnats du monde. On voulait cibler les Coupes Canada, puis avoir peut-être l'opportunité. Fait que, oui, on était agréablement surpris, puis on est vraiment content du déroulement de la saison. Est-ce qu'on peut dire que Victor est actuellement en avant de son temps? En avant de son temps, non, je pense pas. Si on le compare à des athlètes qui ont des bonnes carrières ou qui se démarquent présentement sur la scène internationale, il suit un peu les pas. Si on prend Léon Bouchard, là, ouais, qui a été sélectionné à sa première année aussi. Il y a d'autres athlètes de l'Ontario qui ont été sélectionnés à leur première année junior. C'est pas le premier à être sélectionné à sa première année. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que Victor a une croissance un peu plus tardive. Il est quand même late. Inscription Walkley. Fait que finalement, tu sais, il est pas première année junior. Il est quasiment entre cadet et junior en termes d'âge encore. Là, mais ça, c'est faut vivre avec. Okay. Mais je vais vous dire qu'il performe super bien. Là, puis, c'est un athlète qui rivalise avec les meilleurs. Okay. Est-ce que vraiment, c'est quoi l'objectif à compter de maintenant là-bas? Là? Ben, j'aimerais parler un petit peu avec Ian Hughes, le coach de l'équipe Canada en développement, okay, pour pouvoir garder lui, c'est quoi sa vision des choses. On avait deux Coupes Canada, la dernière en fin de semaine passée à Horseshoe Valley à Barrie, qu'on voulait bien performer. Et il y a l'autre Hardwood Hill qui va être en fin de semaine qui arrive dans le même secteur en Ontario. En ayant eu la sélection là à la fin du mois de juin, nous autres on voulait peut-être organiser un petit peu l'entraînement pour mettre une grosse semaine d'entraînement là en termes de mésocycle, c'est ça qu'il fallait travailler là, mettre une grosse semaine d'entraînement puis après ça peut-être hypothéquer un peu la course en fin de semaine puis cibler tout sur les championnats du monde, mais en discutant puis en ayant quelques échanges avec le coach, on est mieux de prioriser quand même une bonne course en fin de semaine vu que ça fait partie des World Junior Series. Okay. Donc, on peut aller chercher des points pour le classement mondial qui va l'aider sur la ligne de départ. T'sais, s'il va se récupérer un 40, 30, 40 points, ben ça lui permet d'être appelé sur la ligne de départ un petit peu plus rapidement au championnat du monde. Puis c'est toujours plus facile là, avec un départ de masse là, d'une centaine d'athlètes. Là, plus que tu es en avant, ben mieux. Oui, ben oui. Puis exactement pour répondre à ta question, championnat du monde, ben ça va être une première expérience, pas en Europe, donc ça c'est déjà réglé, il y a déjà ça dans son bagage, pas avec l'équipe canadienne, c'est déjà réglé, il y a ça dans son bagage, mais première expérience au championnat du monde, donc écoute, de faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire de peser ses pédales puis de s'amuser sur son vélo, là, je pense qu'avec ça on va avoir de bonnes performances. Les pistes sont-tu semblables en Europe au championnat du monde à ceux-là d'ici? Ben, c'est sûr que c'est deux terrains bien différents. Ouais. Ça dépend toujours des endroits aussi. Là, okay. Si tu vas à Burke, là, au Vermont, puis tu compares à Saint-Félicien, ils ont tous les deux un bon niveau de plaisir, là, mais ici, on va être plus rocailleux, plus racineux. Là-bas, ça va être un peu plus roulant avec un peu plus de terre battue. Okay. Je connais pas la piste, moi, en République tchèque, mais avec des commentaires que j'ai eu de Victor de ses visites en Europe, là, c'est sûr que c'est des pistes là, qui sont de calibre. C'est ce qu'ils veulent offrir. Tu vas là-bas en championnat régional, puis tu vas là-bas en championnat du monde. Ça va être la même affaire que lorsqu'on a accueilli ici la Coupe du monde, puis qu'on accueille les championnats canadiens. Le niveau de piste est toujours égal au titre de la compétition qu'on a. Fait que d'après moi, il va avoir à faire face à un parcours qui va être technique, qui va lui demander de bonnes aptitudes sur son vélo, puis qui vont être assez exigeants physiquement. Je sais que dans le passé, là, puis on peut voir avec les Jeux olympiques, là, il y a une tendance qui arrive là, vers le vélo de montagne 2.0, ouais, c'est-à-dire la construction d'obstacles artificiels. T'sais, il aime ça rajouter des rock gardens, des drops, des petits sauts, des virages là, surélevés là, de poids. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un parcours qui va être spectaculaire. Puis, Jeu Dufour, le coach des Cyclones d'Alma, là, me disait par expérience qu'il a été en République tchèque à sa place-là. Puis, ça a l'air que c'est comme le hockey pour eux autres. Là. C'est leur sport national. Là. Il y a du monde à deux, trois rangées, là, une derrière l'autre, qui n'a pas un mètre à côté de la banderole, qui n'a pas personne. Là. Okay. C'est Léon Bouchard est connu autant que Piqué Souben. Hé, hey, tabarouette, c'est pour te dire comment que... Ouais, ça te donne un peu, c'est pour te dire. Léon Bouchard, là, okay. Tu vois là-bas, tu parles de Léon, puis tout le monde capote, là, autant que le monde capote ici sur Kerry, puis sur Piqué. Okay. Hey, Alexandre, parle-moi de la préparation. Bon, là, t'as parlé des compétitions qui s'en viennent en fin de semaine, mais est-ce que tu vas le préparer différemment, étant donné que les pistes sont différentes? C'est la première fois que j'ai envoyé la planification, il y a quelques semaines, là, avant le mois de juin, je lui ai dit, en SP là, il était deux semaines en Ontario, donc j'avais à y envoyer, puis on était un petit peu moins proche de l'autre, là, c'est une des premières fois, mais c'est pas grave, on est capable de bien s'organiser avec les médias puis la technologie. Mais j'avais planifié, j'ai envoyé, puis j'ai écrit en espérant avoir à retravailler ta planification. En voulant dire, s'il est sélectionné, on va le retravailler. Qu'est-ce qui est planifié? Écoute, on continue dans le plan de match. Je pense qu'il est toujours prêt pour n'importe quel type de sentier. Moi, je vais m'informer sur la piste, à quoi ça ressemble, les sections d'effort. Là, si on parle d'une majorité de sections d'effort de 5-6 minutes avant les repos incomplets dus aux techniques, ben moi je vais le préparer un petit peu plus ciblé par rapport à ça. Si on parle d'un parcours un petit peu plus roulant, juste en relance, qui a juste des sections d'effort d'une minute ou deux, ben on va travailler un peu plus de ce côté-là. Mais habituellement, là, c'est pas mal complet, là, le vélo de montagne. Là, tu dois être un bon pilote, tu dois être bon sur la capacité, tu dois être bon sur la vitesse, tu dois être bon sur à peu près tout. Il y a des facteurs d'effort de 30 secondes à 5 minutes dans une course. Puis en plus, t'es toujours en repos complet avec technique. Là. Fait que écoute, on essaie de le préparer dans tout. C'est ça mon travail, puis c'est ça la beauté puis la difficulté de tout ça, c'est que on aimerait ça augmenter sa puissance, on aimerait ça augmenter sa capacité, on aimerait ça augmenter son pilotage, on aimerait ça augmenter sa vitesse, on aimerait ça augmenter son endurance. Et tu sais, il y a 16 jours dans une semaine, il y a de l'école, puis est-ce que justement là, tu parles d'entraînement, tu parles de là Victor, ça commence à être sérieux là. Il y a eu des jeunes par le passé, je pense entre autres à Marianne Saint-Gelais, à d'autres, qui ont fallu qu'ils s'expatrient à Montréal pour leur développement. Est-ce que vraiment, là, à un moment donné, tu vas être limité dans ce que tu peux faire, puis Victor devra partir de la région pour son développement? Oui, c'est une bonne question. Puis, si tu me l'avais posé il y a quelques années, là, peut-être que j'aurais dit, ouais, on va commencer à peut-être avoir cette optique-là aussi. Sauf que. Marianne a un centre d'entraînement national là-bas. Nous autres, on a à Montréal, nous autres, on a accès à Bromont. On a accès directement aux encadrements avec Yann Hughes. Mon père me disait, moi, quand j'étais jeune là, en athlétisme, il disait, t'sais, Alexandre, moi je pense que je suis capable d'encadrer de l'élite. Il est capable d'encadrer de l'élite. Mais dans le contexte qu'on grandit avec l'école, puis on s'en va bien souvent au cégep à l'université, quand t'es rendu optimal en athlétisme pour un sport d'endurance, ben t'es rendu à l'université. Fait que c'est souvent les coachs universitaires qui avaient les athlètes à Josselin qui avaient progressé. En vélo de montagne, encore une fois, si je regarde Léon Bouchard, je me dirais, ben y a rien là. On est capable de créer des champions ici. On a des sentiers qui sont très adaptés puis sont capables de rivaliser, de représenter les meilleurs sentiers, encore plus qu'à Montréal. À Montréal, c'est vraiment moins développé que nous autres. Okay. Même à Québec, là, on est capable de rivaliser avec ça. L'encadrement puis le coaching, je pense qu'il n'y a pas de problème dans la région. Okay. Je pense que Victor est bien encadré présentement de ma part. On a accès à Jude Dufour. Je pense qu'on a une bonne référence directement à Alma. On a accès à Yann News, qui est le coach de développement Canada. On a accès à Serge Rosier, qui est coach avec l'équipe du Québec. Puis c'est tout interrelié. Okay. Moi, j'y rencontre régulièrement. Fait que, non, je pense pas que ça soit une nécessité. Là, même, je suis pas mal convaincu qu'on est capable de créer des champions ici, là, puis facilement. Okay. Ce qui manque, ben, c'est les services périphériques que tous les autres sports pourraient utiliser, là. C'est-à-dire peut-être un lieu qu'on pourrait rassembler, là, des physios, des massos, ouais. Un peu plus de testing, un peu plus de monitoring, là, quelque chose que tout le monde pourrait essayer, que ce soit un hockeyeur, que ce soit un joueur de basket, que ce soit un joueur de soccer, que ce soit un petit institut du sport, là, miniature ici, là, pour offrir des services, là. Ça serait vraiment optimal, là, au lieu de ça, là, on a besoin de s'expatrier pour aller chercher ça. Ouais, effectivement. Ben, Alexandre, la prochaine compétition pour Victor, c'est en fin de semaine? Fin de semaine à Hardwood Hill, en Ontario. Okay. On espère qu'il va bien performer pour aller chercher ses points, mais écoute, on met pas de pression qu'il s'amuse. Puis ça ben, effectivement. Ben, Alexandre Gagnon, on s'en reparle dès que Victor aura participé au championnat du monde junior en Tchécoslovaquie. Super, Alexandre Gagné, l'instructeur de Victor Véron.